Et maintenant, donnons aussi une famille à Robert. Les parents de Robert ont de l'argent. Ils sont même assez riches. Robert n'a pas de sœur. Il n'a pas de frère non plus. Il est fils unique. Ses parents sont divorcés. Son père n'est pas remarié, mais sa mère est remariée. Pauvre Robert. Fils unique, parents divorcés, mère remariée, il va peut-être avoir des complexes. Ah, très bien, j'adore ça. Parlons des complexes de Robert. Vous voulez parler des complexes de Robert? Oui, parce que ça va être amusant et utile pour apprendre le français. Vous croyez? Peut-être, mais pas aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps. Une autre fois. Les parents de Robert ont de l'argent. Les parents de Robert... ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils sont même assez riches. Assez riches. Assez riches. Ils sont même assez riches. Est-ce que les parents de Robert sont pauvres ou riches? Ils sont riches. Robert n'a pas de sœur. Il n'a pas de sœur. Il n'a pas de sœur. Il n'a pas de sœur. Il n'a pas de frère non plus. Il n'a pas de frère. Il n'a pas de frère. Il n'a pas de frère non plus. Il n'a pas de frère non plus. Il est fils unique. Fils unique. Fils unique. Il est fils unique. Est-ce que Robert a des frères ou des sœurs? Non, il n'a pas de frères et il n'a pas de sœurs non plus. Il est fils unique. Ses parents sont divorcés. Divorcés. Divorcés. Ses parents sont divorcés. Son père n'est pas remarié. Remarié. Pas remarié. Son père n'est pas remarié. Il n'est pas remarié. Mais sa mère est remariée. Elle est remariée. Elle est remariée. Est-ce que les parents de Robert sont mariés? Non, ils sont divorcés. Robert va peut-être avoir des complexes. Des complexes. Il va peut-être avoir des complexes. Il va avoir des complexes. Il va avoir des complexes. Il va peut-être avoir des complexes. Ah, très bien. J'adore ça. J'adore ça. Parlons des complexes de Robert. Parlons des complexes de Robert. Parlons des complexes. Parlons des complexes de Robert. Ouais, ça va être amusant et utile, peut-être, peut-être, peut-être, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps. Le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Une autre fois. Une autre fois. Une autre fois. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas parler des complexes de Robert aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas le temps. Alors, quand est-ce que nous allons parler des complexes de Robert? Une autre fois.